Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. La pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc, chronique stéréotonine, Sophie. Tu nous parles... Oui, tu vas nous parler de Mara Tremblay, etc. Mais avant toute chose, de quoi nous parles-tu? Bien, je vais seulement vous mentionner les sorties CD de la journée, donc, qui ont attiré mon attention. Tori Amos avec l'album Midwinter Grace. Midwinter Grace. Et donc, je ne sais pas si c'est son combienième, là, parce que Tori Amos, depuis quelques années, sort un disque à chaque année. Et malheureusement, pour elle, ils ne sont pas toujours bons. Non, mais... moi, j'apprécie. J'apprécie surtout sa voix, Tori Amos. Oui, moi, c'est une artiste que j'aime beaucoup, mais je l'aimais beaucoup, beaucoup à ses débuts. Mais là, on dirait que ses derniers albums, justement, le fait d'en faire un par année, je pense que ça y aide pas. Ça a pris une drôle de tangente? De mon côté, oui. Okay. Ça se répète un peu. Okay. Sinon, il y a The Killers qui sort un album live à The Royal Albert Hall. Mm-hmm. C'est un CD, DVD, donc coffret. Sinon, Snow Patrol avec Up to Now. Et finalement, la formation Echo and the Bunnymen, qui est une formation de longue date, avec l'album de Fontaine. Donc, c'est à ne pas manquer. À ne pas manquer. C'est ce qui retient ton attention en ce qui concerne les sorties de nouvel album pour cette semaine. Oui, je vous ai épargné les sorties disques de Noël. Ça fait de plus en plus... Ça c'est dommage. Ouais. Les disques de Noël. Peut-être que je ferai un spécial un jour. Ça s'en vient, hein. Mais tout le monde, au Québec, je sais pas, on a comme... drôle d'habitude, là. Dans la carrière, et peut-être coup-ci, coup-ça, on en profite pour sortir un album de Noël. Je pense qu'il n'y a pas un artiste québécois là, de la chanson qui n'a pas son album de Noël. Ben, c'est-tu pareil au même, tu sais, c'est les mêmes chansons, ça, c'est pas les mêmes personnes qui... Disons qu'il faut beaucoup aimer Noël et il faut beaucoup aimer chanter Noël. Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Non? Non. Là, si tu fais un party de Noël, là, tu mets pas un petit disque... Je sais pas, moi. Sylvain Cossette chante... Pas dans les parties Noël que j'organise, en tout cas. Okay. Bref. Sinon, aujourd'hui, on parle de Mara Tremblay, donc dans la série des meilleurs albums de 2009. Ah, tu mettrais du Mara Tremblay, hein? Très certainement. Probablement. Okay. Je trouve que ça se prête bien. Puis c'est le premier album dans cette série-là des albums de l'année qui est du côté du Québec. On avait vu deux albums anglophones. Donc aujourd'hui, pourquoi pas me tourner vers nos artistes québécois. Mara Tremblay qui a sorti cette année son quatrième album en 10 ans, l'album « Tu m'intimides ». Et avant d'en parler, on va aller entendre une pièce. Donc, la pièce qu'on va entendre, c'est toutes les chances. On écoute ça immédiatement, la pilule du lendemain. Comme j'aime quand tu te penches sur moi, ça me donne l'impression de m'envoler un peu vers un espace-temps où on est si heureux et où l'amour peut enfin vivre pour de vrai. Je passe mon temps à penser à toi, beaucoup trop de temps. Silence du bout de tes doigts et quand ça recommence, et puis tes yeux, et puis ton cœur, on est si loin déjà. l'impression qu'il m'a volé un peu. Marat Tremblay. Marat Tremblay et Toutes les chances. Donc, extrait de son dernier album, Tu m'intimides, dont on parle aujourd'hui dans la série des meilleurs albums de 2009. Alors, cet album-là, voilà. Bon, peut-être que je vais commencer par une petite bio pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins Marat Tremblay. Ben, vas-y donc pour les incultes comme moi, là. Ben là, incultes, c'est un peu fort, mais bon, quand même. Alors, blague. Marat Tremblay a fait partie de groupes avant de se lancer dans une carrière solo. Puis moi, il y a deux groupes que je ne connais pas, qui sont L'Arbre Éden et Les Maringouins. Mm-hmm. Donc, moi, je connais aucune pièce de ces groupes-là, mais je vais essayer de fouiller pour voir faire si on ne pourrait pas trouver quelque chose. Ouais. Sinon, avant de participer en tant que musicienne, là, on sait que Marat Tremblay joue de plusieurs instruments, dont du violon. Elle a joué avec les Colocs et les Frères à cheval, deux formations québécoises. Qui sont connues. Qui sont connues. Ouais. Les Frères à cheval, ça roule un peu moins, mais les Colocs, on en entend encore beaucoup parler. Exact. Puis sinon, en 99, elle a lancé son premier album, Le Chihuahua. Et cet album-là a attiré beaucoup l'attention avec 9 nominations au gala de la disque quand ça a sorti. Puis elle a gagné 3 Félix, dont... C'est pas rien, là. Meilleur album alternatif de l'année, ouais. Meilleur vidéoclip. Puis là, à cette époque-là, elle était dans un style beaucoup plus éclaté au sens où c'était folklorique, il y avait du violon, c'est autant dans ses paroles que dans ses clips aussi. Hier, je suis allée voir le clip Le Teint de Linda que j'avais jamais vu. Puis c'est vraiment un très beau clip, justement le clip qui avait reçu ce prix-là. Mm-hmm. Vous pouvez le voir sur son site internet, lemarattremblay.com. Puis sinon, en 2001, l'album Papillon qui ressemblait beaucoup au Chihuahua en fait de son. Et en 2005, donc 4 ans plus tard, Les Nouvelles Lunes qui était un troisième album beaucoup plus tranquille, beaucoup plus doux. Qui s'est fait entendre sur plusieurs radios. Je pense que c'est un album qui était plus accessible autant pour les diverses générations. Là. Je pense que c'est un album, par exemple, que ma mère aurait pu beaucoup aimer. Okay. Contrairement peut-être au Chihuahua. Petite question piège pour toi. Question piège. Marat Tremblay. Oui. Est-ce qu'elle est auteur, compositeur, interprète? Oui, et c'est bien que tu me dises, tu me poses la question. Oui. Je ne l'avais pas mentionné. Oui, elle est auteur, compositrice, interprète, oui. Donc, ça, c'est vraiment tout à son, en son honneur. Ouais. D'un bout à l'autre, autant au niveau des paroles, musique, etc. Et de la marchandise qu'elle livre, c'est du Marat Tremblay à 100 %. Oui, à 100 %. Puis ça, c'est un élément que j'apprécie beaucoup quand j'écoute des albums. J'ai vraiment rien contre les interprètes, mais c'est sûr que de savoir que la personne chante ses paroles, sa musique, qu'elle joue des instruments, on dirait que ça amplifie là, l'espèce d'admiration que je peux avoir pour certains artistes. Mais dans le pire des cas, tu sais... bon, la musique, tu sais, soit pas composée par l'artiste, mais au moins qu'elle compose les paroles, tu sais, on sent vraiment l'implication. Quand c'est des interprètes, oui, une très belle voix, comme tu dis, c'est toujours intéressant, mais on sent que ça vient moins, tu sais, c'est moins personnalisé comme, comme produit. Donc, félicitations, Mme Tremblay. Oui, donc je partage tout à fait cet avis-là, Marc. Puis sinon, pour ce qui est de cet album-là, je sais pas s'il y en a qui ont écouté, tout le monde en parle dimanche. Quand l'album Tu m'intimides a sorti, on a beaucoup parlé de la pochette de Marat Tremblay qui est dévêtie. Donc on la voit à peu près là, jusqu'en haut du nombril, mais ses cheveux cachent ses seins. Okay. Puis donc ça a comme un peu soulevé l'attention, là, la photo. Ça prend pas grand-chose au Québec. Hein? Non, ça prend pas grand-chose. Puis dans le fond, oui, vraiment. Oui, je suis vraiment d'accord. Puis à tout le monde en parle, il y avait Valérie Jodoin-Keaton, qui est la photographe de l'album, qui était là, qui en a parlé, qui est aussi dans la formation de Dears, mais bon, c'est pas d'elle qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Puis j'avais lu, puis moi, ça m'avait choqué que la chaîne Walmart avait failli retirer son album, qu'il jugeait explicite. C'est n'importe quoi. C'est Walmart, faut s'habiller à mon oncle, ma tante, pareil comme le linge qu'ils vendent, là. Oui, puis moi, ce qui me fâche le plus, c'est que, en fait, bon, Walmart font une grosse campagne, là, produit du Québec, nanana. Oh, ouais. Là, t'as une artiste québécoise, puis là, on vendra pas son disque chez Walmart parce que moi, je m'excuse, c'est de l'art, là. Je voyais pas ça comme quelque chose d'explicite. À côté d'un album de Shakira, qui est peut-être, oui, habillé, mais bon, peu habillé. Ouais, puis on s'entend que Shakira, ouais, c'est ça. Au niveau musical, là. Exactement. Passons, mais très brièvement, oui. C'est une anecdote, donc, par rapport à sa pochette de disque. Sinon, cet album-là, pourquoi meilleur album de l'année? Dans mon cas, oui, il y a eu les remises de prix. Là, entre autres, elle a été nominée pour Album Pop Rock de l'année à la disque, mais c'est Pierre Lapointe qui a gagné le prix. Puis sinon, au GAMIC, Gala de l'Alternative musicale indépendante du Québec, elle a reçu l'album Chanson de l'année, donc pour ce 4e album-là, mais en dehors des prix, parce que, bon, les prix, c'est... Oui, les prix, c'est les prix. Là. C'est les prix. On sait que parfois, dans l'industrie, c'est arrangé que le gars des vues. Là. Ouais, puis ça souvent, te cachera pas, là. On partage pas tout le temps. Moi, Pierre Lapointe, c'est un artiste que j'aimais bien au début, mais je lui aurais pas donné le prix, mais ouais. Bon, c'est personnel. Ouais. Et donc, pourquoi cet album-là, meilleur album de l'année? Moi, ce que j'aime beaucoup de Mara Tremblay, c'est que c'est une artiste qui a pas stagné dans son style depuis 99. Donc, en 10 ans, elle a vraiment évolué, elle a essayé des choses. Puis ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui restent dans une formule gagnante. Donc, on sort un premier album, c'est quelque chose qui a fonctionné, mais on reste dans ce style-là. Parce que justement, on s'assure un peu une clientèle. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'elle a risqué beaucoup. Donc, au début, elle est allée chercher des gens qui aimaient beaucoup donc le violon, la musique folklorique, la musique dansante. OK, ouais. Tu sais, un folk qui est quand même grunge alternatif, là, pas un folklorique au sens traditionnel. Oh, oui. Puis avec Papillon, elle a commencé un peu à dévier, mais en restant quand même dans ce style-là. Puis là, Les Nouvelles Lunes, c'est devenu vraiment tranquille. Puis Tu m'intimides, qui est un album, donc le dernier... vraiment particulier. Moi, ça m'a vraiment surpris là, de Mara Tremblay. Quand j'ai écouté cet album-là, j'aime beaucoup la musique. J'aime le folk aussi, mais là, c'est un mélange de folk, d'électroacoustique, d'électronique. L'ordinateur prend beaucoup plus de place dans sa musique. Okay. Puis c'est un album qu'elle a réalisé là, avec son conjoint Antoine Graton aussi. Je sais pas, là, moi, je le connais pas beaucoup. Monsieur Graton? Son conjoint, ouais. Mais j'imagine que ça l'a influencé aussi son album. Album que j'ai vraiment apprécié, c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Donc, Monsieur Graton, qui est entre autres comédien et aussi qui fait dans la musique. Oui, exactement. Cher Antoine Graton. Ben écoute, ça c'est vraiment intéressant d'avoir une artiste, un artiste aussi qu'on pourrait dire, aussi versatile et aussi polyvalent. Parce que d'album en album, on redécouvre ou on découvre une nouvelle facette de l'artiste. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Tu sais, quand on est une formation musicale ou lorsqu'on est auteur, compositeur, interprète, puis on se campe littéralement dans un style particulier, puis on n'en sort pas, mais à chaque fois qu'on sort un nouvel album, on dirait que nous, en tant qu'auditeurs, on sait un peu à quoi s'attendre. Et là, dans le cas de Mara Tremblay, avec ce que tu me dis, moi, je connais pas très, très, très bien Mara Tremblay, mais avec ce que tu nous racontes, on peut pas nécessairement prévoir à quoi ça va ressembler, le prochain album de Mara Tremblay? Parce que ça se promène, et d'une fois à l'autre, ça semble être vraiment très, très, très intéressant. Très, très, très intéressant au niveau du produit comme tel. D'originalité, on s'entend, on en a discuté tout à l'heure. Fait que ça, je pense que c'est vraiment tout en son honneur. Oui, vraiment. Puis en plus, ce que j'aime aussi, tu sais, bon, c'est sûr que quand on aime un artiste pour sa musique, c'est pas nécessairement pour sa personnalité puis tout ça. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant du cas de Mara Tremblay, c'est que c'est pas une fille qu'on voit souvent dans les médias. T'sais, on non. La voit quand c'est... Tu sais, c'est pas une fille qui court les talk shows ou qui attire l'attention. Tu sais, je regarde quelqu'un comme Jean Leloup, exemple, que moi, j'aimais beaucoup là, dans les années 90, qui aujourd'hui là, me... Il saute à pieds joints, Jean Leloup, dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi, puis il attire une attention. Tu sais, oui, là, on peut penser qu'il y a des problèmes de santé mentale ou je ne sais même plus quoi penser de Jean Leloup, mais... Une chose est sûre, je suis tannée d'en entendre parler, puis j'aime pas son attitude. C'est rendu une réelle caricature. Il fait une caricature de lui-même, là. C'est dommage. Ouais, puis. Tu sais, je trouve, en tout cas, on parle pas de Jean Leloup non plus, mais moi, j'allais le voir une fois en spectacle, puis il a commencé en envoyant promener les gens qui avaient payé 35$ pour aller le voir. Ouais. Moi, je trouve que ça se fait pas. Ouais, c'est particulier. Tu peux pas cracher comme ça sur ton public, mais anyway, tout ça pour dire que Mara Tremblay, c'est une artiste. En tout cas, bref, pour moi, là, qui attire vraiment mon respect. C'est une femme que je respecte beaucoup pour sa personnalité, sa musique, ses paroles. Comme tu disais tantôt, c'est elle qui écrit ses textes, qui compose sa musique. Ouais. Donc, à découvrir pour ceux qui la connaissent pas, puis pour ceux qui l'ont peut-être moins aimée au début, je vous invite à écouter ce quatrième album-là. Peut-être qu'il va vous plaire parce qu'elle a changé un peu de style. Ça a paru quand? À quelle époque cette année, Sophie? As-tu la mémoire? Je pense que c'est au début de l'année parce qu'en février, là, je regardais, j'en avais fait jouer à mon émission, donc c'était en février. Donc je pense que c'est vraiment le tout début de l'année 2009, en janvier ou en février. Là, par cœur, j'ai pas la date. OK. Puis sinon, en terminant, la note 4.5 sans problème pour cet album-là. Puis donc, en terminant, pour dire qu'elle a présentement est en arrêt de en repos forcé parce qu'elle a une hernie discale cervicale. Ça, c'est un problème au niveau du coude, je crois. Donc, elle peut pas jouer de guitare. Okay. Puis sa tournée va reprendre le 22 janvier 2010 à Joliette. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a vraiment... en tout cas, je sais pas si c'est partout dans toutes les salles, mais il y a un prix étudiant. Donc, pour les étudiants, c'est 15$ au lieu de 20. C'est intéressant encore d'aller voir un spectacle à prix modique. Oui. Sophie Laforêt, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Ça complète ce matin. Tu as une dernière pièce à nous faire à nous faire écouter de Mara Tremblay? Oui, la pièce qu'on va entendre s'appelle « Sous les projectiles », donc deuxième extrait de l'album « Tu m'intimides » de Mara Tremblay. Et nous, on se retrouve demain, chronique stéréotonine à compter de 8h15. De quoi vas-tu nous parler, Sophie, demain? Je vais vous parler d'une étiquette de disque trifluvienne qui s'appelle « Arabian Silla ». Et d'un projet également qui est connexe à cette étiquette de disque-là qui s'appelle « Feu de forêt dans le désert », donc série de spectacles. Très bien. On écoute immédiatement « Sous les projectiles » de Mara Tremblay. Vous êtes toujours à l'écoute de « La pilule du lendemain » sur les ondes de CIFU 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Monsieur Blais, debout là, il est 7h, c'est l'heure de prendre votre pilule. Oh boy, ouais, c'est bien vrai ça. Oubliez de prendre ma pilule du lendemain, ma merveilleuse pilule. La pilule du lendemain, c'est ton émission du matin. 2 heures d'information, de culture, de sport et de divertissement. Tout ça agrémenté des palmarès de Cifou. La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7h à 9h. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. La pilule du lendemain, c'est l'ultime remède.